Chapitre 18e. Le mois de mai de cette année-là fut, en ce coin de l'Allemagne, digne d'un rêve de poète. Les jours semblaient un collier de perles, augmentant en précieuse beauté à mesure que s'allongeait la chaîne. Les lilas furent en fleurs 15 jours plus tôt que d'habitude, et les vents qui soufflent si rudes d'ordinaire sur ces côtes plates et basses s'étaient apaisés soudain. Vers le milieu du mois, la lune fut en son plein et la forêt devint un lieu enchanté. On l'eût dite prête pour les rendez-vous amoureux, les baisers, les serments, les sérénades et les chansons, tout ce qui est gai, jeune, heureux et charmant. Seuls les fermiers qui avaient passé l'âge des rendez-vous maugréaient en regardant leurs champs et se plaignaient de la sécheresse. Karl von Treumann, Karlchen, arriva à Kleinwalde le premier samedi de ce mois béni, la bouche en cœur, et tout disposé à s'éprendre à première vue de l'Engländerin, pourvu que son extérieur lui en fournît un prétexte décent. Non pas, certes, qu'il crut devoir se montrer trop exigeant pour une jeune personne si bien dotée, mais on est homme, après tout, et il suppliait les dieux de lui accorder la faveur qu'elle fût moins laide que la moyenne des héritières. Le jeune Treumann était un garçon habitué dès le berceau à ne consulter que son bon plaisir. C'est de cette façon qu'il avait dissipé son bien et celui de sa mère, d'ailleurs médiocre. Une calvitie légère commençait à se dessiner sur son crâne. Il avait pas mal de dettes et pas le sou, et l'avancement devient tous les jours plus difficile. Une demi-douzaine au moins d'excellentes raisons pour souhaiter ardemment faire un bon mariage. Mais les pères des jeunes Allemandes, bien pourvues vers lesquelles se portaient naturellement ses sympathies, se montraient uniformément rétifs. Aucune de ces tentatives matrimoniales n'avait eu jusqu'ici l'ombre du succès. Or, voici que la Providence lui envoyait une jeune fille dénuée de tout parent, bien dotée et sans nul doute toute prête à s'éprendre de lui. Naturellement, il y avait quelque chose dans le passé de cette jeune fille. Il aurait fallu être le dernier des niais pour douter qu'il y eût là quelque aventure louche, quelque petite tâche à effacer. Comment, sans cela, expliquer ce genre de vie absurde, pour ne pas dire extravagant? Mais justement, en raison de cela, elle s'estimerait trop heureuse de trouver un mari qui lui refit une réputation, gentil garçon en outre, pas bégueule, et qui saurait lui montrer quelques faces drôles de l'existence. De ce côté-là, rien à craindre. Allons, les Treumann étaient en benne, à la fin. Parbleu, le sort leur devait bien une revanche. Quand on pense à ce boulet qu'il avait traîné 5 ans sous la forme de sa respectable mère, et dire que grâce à cette Miss Estcourt, il en était même déjà libéré. Les dettes disparaîtraient de même. Qu'importe ce qui avait pu se passer en Angleterre. Ici, nul ne savait rien d'elle, sinon qu'elle était la nièce du très opulent et très noble Joachim. Au diable les préjugés. Pour lui, il était prêt à passer l'éponge. On est galant homme ou on ne l'est pas. Et voilà que Karlchen n'eut pas plus tôt aperçu Miss Estcourt qu'il en devint amoureux fou. C'était une nature simpliste, ou plutôt un composé d'instinct, et il avait coutume d'être une fois ou deux par mois complètement féru d'amour. Mais ceci promettait d'être plus sérieux, et il constata en lui-même les prodromes d'une grande passion. Jamais, dans ses rêves les plus audacieux, il n'avait imaginé tant de grâce. « Elle est tout bonnement ravissante, c'est une véritable déesse », pensait-il en l'examinant en connaisseur. Et le fait qu'elle le dépassait de plusieurs pouces, car le brillant hussard était de petite taille, ajoutait encore à son admiration. Il eut volontiers entrepris sur l'heure les travaux d'approche si la princesse, fidèle à la promesse de prendre soin d'Anna, qu'elle s'était faite dès la première heure, ne se fût mise résolument entre elle et le présomptueux soupirant. D'ailleurs, Miss Estcourt elle-même, décidée à laisser la mère et le fils à leurs épanchements, s'éclipsa aussi souvent et aussi longtemps que les lois de la civilité le permettaient, si bien que cette première visite eût été perdue sans une inspiration subie de la Treumann à la dernière heure. Elle venait d'apprendre, annonça-t-elle, que l'auberge du village était un véritable chenil, et de plus un foyer d'infection. La rougeole y régnait. Pouvait-on laisser son Karlchen exposé? Non, on ne le pouvait décemment. Bien à contre-cœur, Miss Estcourt dut ordonner qu'on allât chercher à l'auberge la valise de l'importun et prier Madame de Penheim de lui faire préparer une chambre. mais elle accomplit sans joie ses devoirs hospitaliers, car l'histoire raconte que la dame de compagnie, ayant demandé à la jeune hôtesse quel drap on devait mettre au lit du visiteur, les beaux ou les moyens, Miss Escort eut un cri du cœur. « Les plus laids !» s'écria-t-elle avec élan. Et riant de bon cœur, l'excellente princesse de vaquer à ses occupations. Carlton repartit le dimanche soir après un séjour en somme assez peu satisfaisant. Il s'était rendu au service religieux, persuadé qu'on l'attendait de lui pour apprendre, une fois cantonné entre sa mère et la princesse, que Miss Escort était allée se promener dans les bois. Au luncheon, Anna se montra inabordable. Assise au bout de la table entre Letty et Fräulein Cour en hautbois, elle fit placer Carlton à côté de Madame de Treumann et ne causa qu'avec ses deux voisines. « Qu'est-ce que cette cour en hautbois ? » demanda-t-il rageusement à sa mère dès qu'on fut sorti de table. « Tu en sais aussi long que moi ? » répliqua celle-ci non moins énervée. « Ça court en bas. Un point, c'est tout. Anna ne parle qu'à elle. » Déjà, il l'appelait Anna tout court. « À qui le dis-tu ? C'est révoltant. Scandaleux. Mais tu changeras tout cela. » Il sourit avec fatuité et loucha en frisant les bouts de sa moustache. Il louchait volontiers le long de son nez pour faire valoir des cils longs et recourbés. « Oui, » continua-t-il, souriant et avantageux. « Taratata, taratata. » Fredonnant un petit air, où diable a-t-elle été pêchée ce lot de vieux trumeaux ? À propos, la fille Elmreich, la petite baronne, quelle était donc sa parenté avec feu Arthur Elmreich ? Celui qui s'est suicidé ? Oh, peu de choses, un cousin éloigné, je crois. Na, dit Carlton en ricanant. Répond Sibylline, qu'on pourrait traduire avec plus de fidélité que d'élégance par cette locution familière. Tu parles, ou je t'écoute. « Comment, tu croirais ?» Le brillant jeune homme, campé devant la glace, et très occupé à donner des deux mains à sa moustache le truculent retroussi de l'ordonnance, se retourna brusquement. « Croire ? » fit-il. « Tu sais que la sœur d'Arthur, Loli, est montée sur les planches. Pas de veine, trop d'Ecati. Mais son nom figure en toutes lettres sur les affiches de Wintergarten, Baron Elmreich. Et on y va à cause du nom et du suicide. Bah, je la connais un peu. » Il cligne de l'œil, et je lui demanderai un de ces quatre matins s'il ne possède pas une sœur. « Y penses-tu ? Je te dis que celle-ci est fille unique, qu'elle n'a jamais eu ni frère ni sœur, » réitéra Frau von Treumann, impatienté. « Na, » répéta Carlton, narquois. « Mais enfin, pense donc, c'est si peu probable. La baronne est d'une pruderie qui dépasse toute imagination. Si tu savais combien elle est collée montée, « imagine-toi qu'en venant ici, elle se demandait s'il ne risquait pas de se compromettre en fréquentant Anna. » Carlton s'arrêta court dans la manipulation de sa moustache et demeura un instant bouche bée à contempler sa mère. Puis, se laissant aller sur le sofa, il se prit à se tenir les côtes de rire. « Se compromettre en fréquentant Anna » criait-il. « Non, c'est tordant, c'est débattant. La sœur de Loli. Ah non, assez » répétait-il. Sa bruyante gaieté redoublant devant la figure ahurie de sa mère. « Tu sais, c'est un peu trop fort, » reprit-il enfin en s'essuyant les yeux. « Je te dis que ta baronne et la Loli se ressemblent comme deux pois chiches. Mêlées dans un sac, et tu ne les reconnaîtras pas l'une de l'autre. Se compromettre avec Anna, argot, argot !» et de rire. « Si c'était vrai, » s'écria Frau von Treumann, transportée d'une vertueuse indignation, « mon devoir strict m'ordonnerait d'avertir Anna. Je ne saurais demeurer sous le même toit que cette créature. Il faudra qu'elle parte. »« Aïe, prends garde, Mouti, » fit-il soudain sérieux. « Garde-toi de te lancer à la légère. Rien ne prouve qu'Anna la ferait déguerpir. Quoi, s'il apprenait qu'il y a une Loli, comme tu l'appelles ? Il vaut toujours mieux ne pas poser d'ultimatum, » prononça Carlton d'un air profond. « Si tu annonces que tu refuses de demeurer sous le même toit que la fille Elmreich, et si on refuse de la mettre à la porte, ce sera donc à toi de déloger. Et ça, » ajouta-t-il avec conviction, « ce serait sinistre. »« Non, non, pas d'ultimatum. En tout cas, pas avant que j'aie confessé Loli. Sois tranquille, je reviendrai avant longtemps. » Si seulement on pouvait se débarrasser de la Penheim. « Elle monte la garde autour d'Anna comme un dogue. Hein ?» Qu'en dis-tu ? Étudie la question. Mais Frau von Treumann secoua la tête d'un air profondément désabusé. Elle le savait trop déjà. Il n'y aura aucun moyen de se débarrasser de la princesse, pas plus que de lui mettre un bandeau sur les yeux ou de la gagner à ses intérêts.